un mal. Chapitre 7. Elle viendra, se dit-il. Et aussitôt la pensée qu'il lui fallait de l'argent lui passa par la tête. On danse, on boit, on fait de la casse. Cela ne va pas sans quelques écus dans la poche. Et depuis que l'amour l'avait pris, il avait vécu de l'air du temps, ne songeant plus ni au gibier ni aux marchands, même s'il n'avait pas mangé tous les jours. Cette grosse faim qu'il nourrissait en temps ordinaire, de proie prise dans le bois, s'était fondue sous l'ardeur sèche de son désir. Il aurait pu compter ses repas. Au petit jour, une fois, il avait massacré un lapin d'une volée de coups de bâton. Il avait fait un feu de branches, il avait mis rôtir au bout de la baguette de son fusil. Il aurait mangé la peau avec ce matin-là, tant son ventre était creux. Deux jours après, il avait raflé un coq derrière la haie de la ferme des Osiers. Cette fois, une gourmandise s'était mêlée à son appétit. Son coq sous sa blouse, il avait fait 2 lieues de chemin à travers la forêt. Il avait gagné les accus, et là, une hutte de bûcherons amis lui avait permis de préparer la volaille au thym, avec sel et poivre. Malheureusement, le coq était dur. « J'ai volé !» Et tout de même, de ses dents aiguës, il l'avait mis en pièces. Un demi-pain de seigle et un pot d'eau avaient fait le reste du déjeuner. Il y avait eu d'ailleurs une aile et un morceau de la carcasse pour le bûcheron et sa femme. Une petite à tête de bête qui vivait avec eux avait sucé les os ensuite. Et cela avait été une belle nourriture en somme, dont s'était largement repu Cachapré. Les autres jours, flâtré de son long dans les herbes, il s'était contenté de manger des racines, de la sauge, du cresson, les choses qu'il trouvait sous la main. Comme les cerfs en octobre, rayant loin des viandilles, les rages de femelles remplissaient son flanc creux. Il avait passé les 3 premières nuits dans la forêt. Une jonchée de feuilles sèches avait préservé ses membres de l'humidité de la terre, et il avait secoué en s'éveillant ses cheveux mouillés de rosée. Mais il était tombé des pluies le 4e jour. Des pluies de mai, aiguës comme des lances. Ça n'est pas drôle. Il avait traversé la forêt alors, et il était allé coucher dans la hutte, dans la tiédeur des bûches équarries au plein soleil. C'étaient de vieux amis à lui, les bûcherons. Il l'avait connu grand comme un chevrillard de 6 mois. Bien des fois, il s'était caché chez eux quand les gardes le traquaient dans les fourrés. La vieille, une carcasse efflanquée et sans sexe, lui rappelait sa mère avec ses dents en pointe, sa face cave, sa peau dure, tannée comme l'écorce des bouleaux. « Eh, vieille ase !» lui disait-il en signe d'amitié. Et cela déridait un peu le cuir immobile de ce rude visage de femme. Quant au vieux, c'était un petit homme sec, plié en deux. Un coup de hache lui ayant emporté la main gauche, son bras se terminait par un moignon, qu'il maniait à peu près comme une main. La vie de la forêt avait fini par lui façonner un museau allongé de loup, éclairé d'un clignotement d'yeux gris, sous un buisson de sourcils roux, du poil s'échevelé de ses longues oreilles cornues. Il avait une malice qui était de se faire passer pour sourd, ce qui lui permettait de ne pas répondre quand il était interrogé, ou que sa mégère, qui avait la voix haute, laissait crever sur lui ses bourrasques. L'homme dans ce ménage était la femme. Elle fendait le bois avec la cognée dans la forêt, d'un « an » puissant, sans se lasser. Une chemise de grosse toile bouffant sur sa gorge plate, le cou et les bras nus, elle levait et abaissait l'énorme fer d'un mouvement régulier qui faisait rouler les billes de ses biceps à temps égaux. Et la peau sèche sans une goutte de sueur, elle commençait à l'aube et finissait à la nuit, cette besogne qui lui faisait gagner le pain commun. Le mari, lui, brouettait les bûches, liait en fagot les brindilles ou taillait des ramons pour en faire des balais. C'étaient les ducs. Il y avait près de 40 ans qu'ils habitaient leur hutte, la replâtrant à chaque hiver d'un peu de terre glaise, rempaillant de chaume les trouffées par l'ouragan au toit, maintenant debout la bicoque, avec des rapiessages qui rappelaient le travail de reprise, des vieux tricots usés. Une colère était demeurée entre ces vieilles gens. Ils n'avaient pas eu d'enfants. La duque accusait l'homme. Lui grondait contre le ventre infécond de sa femme. Petit à petit, à force de l'entendre recommencer cette querelle, il s'était tu, finissant par croire que les torts étaient de son côté. Mais elle s'était obstinée dans ses âpres exigences de femelle stérile, et cette torture graduellement avait démoli le petit homme rabougri qui faisait maintenant dans le ménage la besogne d'une femme. Tout d'un coup, la fureur de la duque était tombée. Un matin, en allant au bois, elle avait trouvé au pied d'un arbre, dans des linges tachés de sang, un petit être bleu de froid, demi-mort. Une mère avait dû s'accoucher là. Le sang allait entraîner jusqu'au sentier. Puis, on ne voyait plus rien. La marâtre ayant mis bas sa portée, s'était dérobée. Ce fut une grande douceur pour ces créatures farouches. Les ducs ramassèrent l'enfant et, l'ayant porté dans leur hutte, l'élevèrent au lait de chèvre. Elle devint vraiment leur fille. Ils ne l'auraient pas mieux aimée si elle leur était sortie des entrailles. Et elle avait poussé dans leur vie comme une partie d'eux-mêmes, ayant leur rudesse, leurs instincts, leur haine de tout ce qui n'était pas la forêt. Dans les commencements, une peur les avait empêchés bien des fois de dormir. La mère se découvrirait un jour, peut-être. Elle réclamerait son enfant. Cela ferait des affaires. Non pas que la duque se fût résignée à rendre la petite. Elle l'aurait tuée plutôt d'un coup de son sabot. Car, si elle ne l'avait pas nourrie de son lait, c'est qu'elle n'avait pu. Et elle n'en avait pas moins été la mère définitive pour cette fillette abandonnée par une mère de hasard. Heureusement, la peur avait été vaine. Aucun être vivant ne s'était présenté pour réclamer cette œuvre de la chair lâchée au coin d'un bois. Elle avait continué à vivre à un pied de l'arbre au pied duquel elle avait été trouvée. La forêt avait pris possession de cette vie commencée dans la forêt, l'avant de ses soleils, de ses pluies, de ses neiges, l'horreur du crime originel, et berçant cette souillure comme elle eût bercé une royauté. Et elle avait grandi dans l'ignorance de ce qu'elle était, obscurément, comme les couleuvres, les lézards et les scarabées, au milieu desquels elle courait. Les ducs ne lui avaient jamais rien dit, d'ailleurs, ayant presque oublié qu'elle n'était pas leur fille. Elle les appelait Pa et Ma, de sa voix aigre de petite chèvre, et cette paternité avait fini par devenir indestructible, comme de la pierre maçonnée dans du ciment. Du reste, on ne s'était même pas occupé de lui trouver un nom. À quoi ça eût-il servi, un nom, dans la forêt? Est-ce que les milliers de vies qui germent dans un espace large comme la main ont un nom? Il suffit que cela pousse, et cela s'appelle de la vie, simplement. Les ducs obéissaient, sans s'en rendre compte, à cet instinct de l'existence sauvage pour qui vivre est tout. Ils l'avaient appelée la petite, dès la première minute qu'ils avaient reconnu son sexe, et ce nom, qui n'en était pas un, lui était resté. Cachapré seul avec son habitude de donner aux gens le nom des bêtes, l'appelait Gadelette. « Hardi, Gadelette !» disait-il en entrant. « Saute à guiguite sur mes genoux !» Et elle sautait, leste comme un cabri. Elle l'avait aimé comme une habitude, comme une connaissance, d'une amitié vague et animale. Elle tirait ses cheveux, le battait de son poing, lui mordait le cou avec une férocité de jeune chien. Ou bien elle se pendait à ses jambes, cherchait à le renverser, de ses petits doigts lui pinçait le mollet comme avec des tenailles. Il se débarrassait en riant et d'une main la soulevait jusqu'à sa bouche, malgré ses trépignements.